Même si mon nom c'est tranquille, faudrait pas vous épier. Car si vous me provoquez, vous le regretterez. Lorsque je suis en colère, je lance des éclairs. Je lance des éclairs. Et je gronde aussi fort que le tonnerre. Il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas me chercher. Il faut pas me chercher. Car vous me trouverez. Ce n'est pas difficile. Car je suis beaucoup plus fort, vous le savez. Il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas me chercher. Il faut pas me chercher. Je suis jeune et très joli, alors soyez ce peu poli. Lorsque je dis que c'est blanc, ne dites pas que c'est noir. Ne dites pas que c'est noir. Bien. Sinon vous aurez ce soir un œil au beurre noir. Wow. Si je vous dis que c'est oui, ne dites pas que c'est non. Ne dites pas que c'est non. Car mes amis, vous saurez mon nom. Oh non, c'est pas du tranquille. Solo. Si on me marche sur les pieds, je serai sans pitié. Je serai sans pitié. Peu importe mon adversaire, je serai mon défaut. Wow. Au fond, j'ai bon caractère. Il suffit de me plaire. Il suffit de me plaire. Pour que je sois un ami sincère. Il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas me chercher. Les enfants, faut pas me chercher, là. Allez vous cacher. Vous me trouverez. Car vous me trouverez. Ce n'est pas difficile. Car je suis beaucoup plus fort, vous le savez. Il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas me chercher sans le déchet. Je suis jeune et très joli, alors soyez un peu poli. S'il te plaît, s'il te plaît. Si on lui marche sur les pieds, aïe, aïe. Il sera sans pitié. Mais il serait sans pitié, il faut pas me chercher. Dans la gueule, dans la gueule. Oui monsieur, une seule droite. Il a un peu quand, un peu quand. Allez, tâtez-moi ce bras. Les témoins de Jéhovah, là, attention, c'est tranquille. Sonnez pas ma porte, sinon vous allez me chercher. Je serai sans pitié. Allez, merci, allez, allez, merci. Quand je suis de bon gars, pas d'alcool, pas de tabac. Moi, restez tranquille, moi, payez mes billes. Je ne vais pas prendre l'anglais, je vais pour l'ouvrir, comment? Ouais. Ouais, ouais, c'est le micro qui a ouvert seul, monsieur. Ouais, ouais. Deuxième tome. D'accord, on y va. Quand je vais dans mon gars, pas d'alcool, pas de tabac. M'en rester tranquille, m'en payer mes billes, m'en va apprendre l'anglais, m'en l'apprendre pour de vrai. Quand je vais dans mon gars, pas d'alcool, pas de tabac. M'en mettre des boubettes, m'en lire la gazette, m'en tirer les sports. Hein? Moi, les sports, je suis pas très fort. Je peux vous dire rapidement là, ce qui s'est passé hier. 3, 2, 8, 7, 3, 4 et 2 euros. Complémentaire 7. M'en compté les morts, m'en appelé checker bord. Hein? M'en checker les bords. Vous avez des belles barres de chocolat, madame? Ouais. Moi, je commence par les bords. Après ça, je vais parler de vous. Vous. Non, pas elle, vous. Oui, c'est votre fille. Bonjour, mademoiselle. C'est elle. C'est ça. Pourquoi elle pleure? Elle a peur? Ah, mon Dieu. Non, c'est vrai. Non, ça donne... m'a compté les morts. M'a passé mon check-up. M'a va faire mon catch-up. Bon, on va voir ce qu'on va voir. M'a forcé un ciboire. Quand oui, le mon gars. Pas d'alcool, pas d'abord. Je vais avoir l'esprit d'équipe, impliquer tout le kit, m'a crampé en main, m'a taillé une place. Quand je vais faire un bon gars, comment faire un bon gars, c'est très simple, mademoiselle. Ne pas désespérer, ça c'est la première chose. Ne pas répéter souvent parce que le bon gars, là, il est comme la loutre de champ. Connaissez-vous ça? Là? Ben moi, j'ai déjà eu des chants. Des chants, Yvon? Non, non, ouais, Yvon, je le connais, mais des chants. J'ai appris à chanter. Ah, mon doux Seigneur. Vous êtes opérette? Ah, moi, j'étais opérette troisième dan. OK. Je pousse la note. Ben, poussez-vous. Ah, hein? C'est pas gentil. J'ai dit, poussez-vous. Non, restez là. C'est une blague. Là. C'est... Confondez pas, madame double sens. Vous êtes madame double sens? Non, Marie, quatre poches chez vous. Double sens ou quatre poches? Moi, c'est deux poches. En dessous des... Non, quatre poches, c'est vrai. Oh, puis en haut, partout. Non, jamais. On aime ça de même. Ouais, c'est... ça fait des émissions bizarres. Donc, aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, là, c'est-à-dire maintenant, les gens n'aiment pas ça, les individus étranges. On veut être sécurisés. Ah, ça va bien aller. Oh, non, non, ils vont juste couper les deux jambes. Ils vont te greffer ça. Ouais, c'est les deux bras à la place des jambes. Tu vas marcher, c'est... mais tu comprendras absolument. Non, non, non, non, non. Parce qu'on va te rejauger le cerveau. Ouais, c'est du lavage, là. Veux-tu du blanc ou du... Ouais, de la couleur? OK, on va vous mettre ça en couleur, madame. Vous allez avoir des idées de couleurs intenses dans votre tête. Quand vous allez marcher avec vos pieds sur les mains, là, parce que c'est une nouvelle... Ouais. On a essayé ça il y a 3 semaines en Italie. Ben, eux autres, ils ont mis du pepperoni. Ben oui, le fromage fondu, elle a glissé, elle s'est repétée les deux rondules. Ah, mais la rondule lui faisait mal. Elle me disait, je ne serais jamais capable d'en dire. Je suis jamais capable de parler, mon lit. Je suis capable de parler, mon lit. Hey, mon frère, mon père, ma mère, ma soeur. Tout. Mais même la mélancolie. Tu me vois la madame noire. Attends, laisse-moi te regarder, mais tu pleures, Gigi. Qu'est-ce qu'elle n'a pas été là-bas? Je suis pas allé là-bas, c'est pour ça que je suis pas là, voyons donc, allô? Allô, allume? C'était M. Gagné. Non, c'est pas Gagné. M. Gagné? C'est qui ça, M. Gagné? Encore un autre clown, ça? On n'en veut plus de clown. On essaie de toutes les éliminer au Québec. On les envoie à Paris. On les distribue partout sur la planète francophone. Les Belges, on leur envoie nos clowns québécois. C'est, oui. Ensuite de ça, c'est où donc? En Afrique. En Afrique. Ah ouais, donc, tous les clowns. Ah ouais. Et en plus, ils sont très travaillants, ces clowns-là. Ça tourne en rond, ça fait la même affaire. Ah, oh, c'est merveilleux. Puis en France. En France, mais en région. Pas à Paris. Ils sont même trop bien à Paris. En région. C'est en Normandie, là. J'aimerais revoir ma Normandie. Oh. Là, j'ai mal au rotule. Ils m'ont mis du pepperoni. Ouais. Extra gras. Ils veulent pas payer des restaurants. Ils te font une pizza. Ça glisse d'huile végétale, pas végétale, animal principal. Mais la fourmi n'est pas prêteuse. Elle a tout bouffé. Et puis donc, oui, c'était... Oh, c'est pas celle-là de Normandie qui verra le jour à travers la nuit. Ah! Ouais, t'as mon gars. Pas d'alcool, pas de tabac. Regardez les échelons, m'en comprendre mon patron. Je vais faire semblant qu'il est intéressant. L'argent va rentrer, pas trop trop, mais c'est aidé. Ma photo laminée, l'employé de l'année. L'année 2012, moi. J'ai été employé de l'année à CKRL 2012. Ils m'ont placé le visage à l'envers. Mais en fait, face au mur. Et ça me rappelle, hein, il y a 3 jours, tu es sûr? Hey, bougez pas, monsieur, bougez avec les fusils mitraillettes. Il y avait l'équipe SWAT au-dessus de moi, là. Hey, j'avais rien volé. Quoique les idées. Oui, oui, oui. Ouais, je suis comme, comment il s'appelle, donc, celui qui fait ici le foire, McDan, je vole des gags. Oh. Là, la censure est passée, l'ascenseur, j'étais coincé entre les deux étages, l'hélicoptère fonctionnait. Ah, je dis, dépensez bien trop d'argent pour ça, c'est une blague qui avait même pas fonctionné, ça vient de Rénal Gagné. Ils m'ont dit, qui? Rénal Gagné, qui? Ah, lâchez-moi ça. On va les inviter, on va faire le pâté, des sushis, des trempettes, amène-en, je vais m'en aide. Moi, je m'emmène des sushis. Ah, sushis avec toi. Sushis avec toi toujours. Sushis. Je vais les crisser dehors. Pas les sushis, là, mais le monde. M'a sauté dans mon char, m'a descendre à Val d'Or. Ben, on va voir ce qu'on va voir. On va descendre en enfer. M'a flobé ma paye. M'a rentré dans la bouteille. Ouais, vous vous souvenez, il y a 2 jours, je suis monté en haut du goulot. Il avait bouché le goulot. Le ciboulot était enfermé, coincé. Moi, ça va. Oh oui. Constipé. Oui, c'est ça. Merci, constipé. Le bouchon était constipé. Moi, ça, le terme est pas bon, toi, là. Qu'est-ce que tu connais dans la langue, là? À part de faire des French kiss à tout le monde, là. En plus de trois quarts, c'est même pas du monde. La bonne fontaine, elle veut rien savoir de toi. Elle est froide. En plus, surtout en hiver, là, la langue va te coller. Tant mieux. Mérite bien juste ça. Puis personne t'aime, c'est... Ah, non. Quoi que... Les âmes désespérées. Reynald Gagné, c'est moi! OK. Et puis, donc, comment on va finir ça? On va la finir comme il l'a fait hier. C'est-à-dire... Pas fait, pas loin du ski de fond. M'a mangé du poisson. M'a acheté des records. Et lui, a dit, m'a acheté des records de Fernand Gignac. M'a me faire croire qu'il est encore vivant. Non, c'est quoi? M'a acheté des Fernand Gignac ou quoi? Qu'il est encore vivant. On va acheter les émissions de Reynald Gagné. On va s'imaginer qu'il y a de l'intelligence. Ah, ouais, mon gars, pas d'alcool, pas de beau. Hey, nous avons en ligne, parce que, oui, en ligne. Gaétan ne s'est pas tout sniffé, il en reste une ligne. Hey, commence pas à faire ça, toi, là. Tranquille, au pied. Bon, mais c'est la laisse. Laisse-la tranquille, bon. On est toujours après, la pauvre bête. L'égalité, c'est ça, bon. En liste, mais avec Gaétan. Gaétan aime ça, être avec Gaétan. Bon, deux beaux tapis ensemble, ça fait quoi? Ça fait un beau tapis. Deux tapis, un tapis. Et puis... Ouais, c'est moi, Extrapole. Oui, Extrapole! Je veux pas non plus arriver à désigner l'utilisation d'une règle empirique en dehors du domaine où elle a été validée, là, mon cher... Ouais, c'est moi, Extrapole. Ouais. C'est parce qu'on avait demandé... On va revenir au pepperoni de la Madame Rontule qui a tombé par terre, là. Pepperoni, on voulait épicer, puis c'est pas ça qu'on a vu, là. Ben, c'est pas ça qu'on a goûté, surtout. On l'a. Normalement, c'est plus rougeâtre, hein. Les épices, ça donne à la viande une texture rougeâtre, là. Comme moi, actuellement, mon visage est épicé parce qu'il est rouge, là. J'ai comme une certaine violence en dedans de moi. Là, j'ai le goût de me placer en camisole parce qu'il fait chaud, hein, s'il vous plaît. Et si je me mets en camisole, j'ai vu des vidéos, j'ai fait une émission il y a plusieurs années. En camisole, et je vois toujours ces extraits-là, puis je me dis, c'est épouvantable, je le ferai plus en camisole. Mais là, en dessous, j'ai quoi? Ah oui, je comprends pourquoi j'ai trois épaisseurs au mois de juin, moi, là. Et manche longue, manche courte, puis camisole. Là, on va pas couper ça de même, dire, attendez, monsieur va se mettre à l'aise. C'est au début qu'il fallait que tu te mettes à l'aise, sur scène, quand tu fais des spectacles, toi, là. Est-ce que, dans ta tête, là, hein, y a pas quelque chose qui arrive, qui dit, oh non? « Ah non, je suis devant le public, je joue de la guitare, j'ai pas de guitare. »« Lucienne, t'es en train de parler avec l'autre au bar. »« Lâche le bar, Lucienne, ma guitare, il y a du monde. »« Ben, c'est pas du monde, ils ont pas payé, mais c'est des gens. »« Amène ma guitare, m'en faire ma chanson, toi là, là. » Elle est tombée dans le fort, effectivement. Mademoiselle, messieurs, public, je vais me retirer, non pas pour faire déjà le rappel, je vais pas commencer pour aller chercher ma guitare. J'ai oublié ma guitare, ils m'ont même pas accordé. J'ai pas les moyens d'avoir un accordeur de guitare. En fait, là, avant-hier, j'étais à l'Olympia, ils m'ont envoyé un idiot, qui, lui, sa spécialité, et là, il était concentré là-dedans. C'est comme un spécialiste du cœur. Il peut pas t'opérer les reins. Lui, il est spécialisé dans le cœur. Il connaît que le cœur. Ah, moi, j'ai été un deux de pique dans mon enfance. Je me suis dit, quand je serai adulte, je serai le roi du cœur. C'est écœurant, hein? Alors, je suis numéro un au niveau de cette artère. Car le cœur, c'est cette artère. Il est par terre, voyons donc, un cœur par terre qui rayonne de tous ses feux, qui fait boup, boup, boup, boup, boup, boup, boup, boup, boup, boup, boup, boup, boup, boup, boup, boup. Je fais bien ça, le cœur? Boup, boup. Les gens vont dire, hey, on prend un cœur en direct, c'est quoi, réel? Boup, boup, boup, boup. Ça n'a pas l'air de boup, boup. Il s'arrête de boup, boup. Ben, vous pouvez pas parler pour faire le cœur en même temps, vous, là, là. Vous êtes comme l'ancien maire de Montréal, là. Vous faites passer n'importe quoi, voyons donc. ma crédibilité, ma crédibilité, voyons dans le micro, excusez-moi, ma crédibilité là-dedans, ouais, il y en a pas, ouais, Ronnie Remy. Amen. Alors, Extrapol, c'est vrai, Extrapol est au bout du fil. Extrapol? Ouais, c'est moi, Extrapol. Oui, alors là, on a évoqué ce que vous étiez. Vous êtes, par analogie, l'extrapolation désigne le fait de faire une supposition, pas un suppositoire, quoique. Hey, quand je me suis fouillé hier aux douanes avant d'aller voir le spectacle de. Ah! Oh, écartez-vous, genre, c'est pas vrai. Le party a déjà commencé, puis la musique avait pas quand? Oh! Là, ils m'ont dit, on va te placer dans l'isoloir. Pas vrai! C'est je suis VIP! Yes! Enlevez vos vêtements. Ouh! Pouvez-vous mettre de la techno? On rigole pas, monsieur. Nous croyons que vous cachez dans. Quel, sur quel. Vous cachez. Je cache qui? Que vous cachez quelque chose. Non, j'ai absolument rien à cacher, monsieur. Je ne suis qu'un innocent. Oh, attendez un peu. Non, je ne suis qu'un innocent. Oh, attendez un peu. Hey, les gars, y a-tu à l'air? C'est un innocent. Il pourra jamais rien. Mais je sais même pas ce que ça veut dire. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On la laisse. Il y a un chien berger allemand. Là. Ouais, pas chez l'autre chien, là, c'est le 4 mètres. On fouille ce gars-là, ça regarde. Ça n'a pas l'air propre, hein, ça m'a pas lavé. Combien de temps vous êtes lavé, monsieur? 2011, parce qu'on a été béni dans la piscine. Là, c'était le temps. Là, après ça, ça s'est arrêté. J'ai été le dernier parce que l'eau était pas. Personne voulait embarquer dedans après. Ouais, ça fait 2 ans qu'il n'y avait pas la vie. Hey, on va pas de trust, ça va. Je ne sais pas s'il y a des morpilles avec des cochonnes. Hein? On va amener ça, ça passe pas. Monsieur, vous pouvez passer. Non, hey, je presque tout. Non. Hey, monsieur, non, continuez. Ah, oh, mon dieu. Ils m'ont mis dehors. Je suis tombé dans le fort. OK. On peut changer le monde, et ça, c'est important de le dire. Je pense que la semaine dernière, je l'ai évoqué. Peut-être. On y est tout mêlés, là, hein? La semaine dernière, la semaine passée, après-midi, en haut, en bas, il fait chaud, il fait froid. Mais, on peut changer le monde. C'est certain qu'on peut aussi également, on va arrêter de dire « on peut » parce qu'on peut plus. On n'en peut plus, hein, de pouvoir. Ouais... OK. C'est comment vous dites ça dans votre langage, là? C'est moi, je suis bedonnant, mais mon discours est redondant. Le redondant bedonnant. C'est pas le bonhomme que. Ouais, c'est lui, hein? Il a perdu la main, oui. Il a perdu sa tête, sa tuque, ça a tout fondu. Alors, oui, on peut changer le monde individuellement pour ainsi, collectivement, se rendre compte de cette restructuration intellectuelle ou toute autre forme artistique, langagière, intellectuelle. Lâchons le formatage. On ne veut plus être formaté. Moi, j'avais mes étiquettes là, à l'époque plastiques que j'entrais dans mon ordinateur. Je ne voulais pas formater. Puis là, mon professeur me dit, « Mais si tu ne formates pas, tu ne peux pas faire grand-chose avec ça. » Je ne voulais pas formater. On est une société formatée, je veux rien savoir du formatage. Mais monsieur Gagné, vous êtes obligé. Je suis pas obligé de rien, moi. Mais vous pourrez pas réussir votre cours. Je le réussirai pas. Parce que le premier cours, c'est d'essayer de formater une disquette. Je veux pas formater. Je suis un être individuellement compris dans la. Tout, je peux faire la différence. Non. Vous pouvez pas faire la différence en rien parce que vous êtes rien. Mais voyons, vous me dites ça parce que je veux pas formater. Les marginaux sont très mal vus dans notre ici. Dans notre ici, là, c'est ailleurs. Puis ailleurs, on n'en veut pas des gens comme vous. Alors, ailleurs. Où voulez-vous que j'aille? Va où tu vas, mais pas ici. Alors, on peut changer le monde, mais ça demande beaucoup de sueur de bras. Sueur de matière grise. Et croyez-moi, avec la matière grise, plus vous la mettez en action, plus ça grisonne de cheveux. Oui, ils sont noirs comme un corbeau. Je fais le. Je suis bon dans le corbeau. Hein? Roi! Ah oui, hein, saviez-vous que. Ailleurs, au Québec, les oiseaux font pit. Mais à Limoilou puis à Pigalle, dans le quartier. Pas dans tout Limoilou, mais il y a le quartier de la Position, Limoilou. Puis à Pigalle, ils font pas pit, ils font. Pit! Ah, c'est bon, hein! J'ai un reflux d'acide, bon, là. J'ai jamais été à Woodstock. Pourtant, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si le cerveau, hein? On va le lâcher tranquille, ce petit cerveau. Monsieur le Président, Monsieur le patron catholique, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce clairénalité, à l'histoire finement improvisée, avec votre magicien du surréalisme, Rénal de Lenéan Gagné. Pouf, j'ai disparu. Il n'est plus là. Il est parti. Il n'y a plus d'émission. On met de la musique. Les gens ne sauront pas sur où on est rendu. Il faut mettre quelque chose, sinon il y a comme une obstruction intellectuelle, surtout sonore. Et quand la sonorité ne va pas, l'émission dérape. Et ça, c'est bon pour nous. On aime ça. On réclame du dérapage. On dérape jamais assez, hein? Oh! Plus ça fait... Plus on aime ça, là. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagier rénal le n'ayant gagné. Aujourd'hui, le vendredi 7 juin 2013, l'errance et les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Monsieur, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du chanteur, compositeur, interprète Albin de la Simone. Né le 14 décembre 70 en France, à Amiens, Albin de la Simone est un auteur, compositeur, interprète. Après avoir pris des cours de piano, et puis après avoir accompagné de grands chanteurs français que l'on connaît, Alain Souchon, Vanessa Paradis, Iggy Pop, en juillet 2012, Errance rénaldienne se trouvait là à Paris pour rencontrer cet artiste des plus sympathiques. Un voyage chargé pour cette nuit printanière. Faut-il s'arrêter? On s'arrête sur les fesses et pas ailleurs. Voulez-vous qu'on continue? Sur les pieds? Non, sur le pépéroni. Catastrophe! J'ai froid aux pieds, en pyjama sur le palier. Un courant d'air et tout bascule. Claqué sans clé, je suis bien nul. Gros Jean debout devant la porte de mon appartement fermé. Alors qu'au feu brûle le fond de mon dîner dans un poêlon. Aïe aïe aïe. Catastrophe. Catastrophe. On est mardi et le mardi, moi je repasse mes habits. Malheur n'arrivant jamais seul, le dîner crame, le fer aussi. De la musique, un verre de vin, je l'aimais bien ce soir d'été. Mais maintenant l'eau de mon bain va déborder sur le parquet. Aïe aïe aïe. Catastrophe. Catastrophe. Un courant d'air et tout bascule. Claqué sans clé, je suis bien nul. Elle voudrait mais n'ouvrira pas. Éléonore n'a que 8 mois. Aïe aïe aïe. Catastrophe. Catastrophe. Ma fille est doigt dans la prise, ma fille au milieu des couteaux, ma fille et le piment oiseau, ma fille enjambe le balcon, ma fille repasse un pantalon, ma fille allume une bougie, etc., etc. Aïe, aïe, aïe. Aussi, mais dans le sens, faut pas le prendre négativement, le prendre comme un atome qui serait complexe, une molécule complexe, okay. Pas juste basique, surface, pas basique. Okay, voilà, j'arrive okay. pas à être, j'adorerais être simple et à être plus basique et efficace, mais je suis multiple et complexe. Est-ce que, pour les autres, est-ce que pour les autres, ça fait un personnage à essayer de saisir? Oui, oui. Ouais. Et c'est en ça que je trouve... Tu vois, j'ai l'impression d'être mieux compris au Québec qu'en France, quelquefois, parce que je pense que l'être québécois est plus capable d'apprécier la complexité, quand c'est une valeur positive, qu'en France, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'en France, on est obligé de trouver des messages plus simples. Toi t'es comme ça, ouais, les classer rapidement dans parce les... que aussi il y a plus de monde, peut-être plus de. Donc on est obligé d'être plus efficace. Rapidement contingenter les individus. J'ai l'impression qu'on a plus le temps d'essayer de me comprendre au Québec. Et je me un peu comme en Belgique. Ça. Et je me plains pas de ça, c'est comme ça. Et ça, c'est un mot que j'ai répété parce que les gens ne comprenaient pas. Si tu étais un aliment. Je disais aliment, les gens aliment, comprenaient pas. Ouais, aliment. Ouais, non, mais avant, je disais si tu étais un aliment. Oui, un aliment. Oui, mais moi, je comprends. Mais j'ai essayé plein de stratagèmes, mais je répète deux fois. Un aliment. Un aliment, oui, c'est ça. Un aliment. Si j'étais un aliment. Putain. C'est ça, oui. Le gingembre. Oh oui. Parce que le gingembre, tu peux pas manger ça tout seul, donc il faut. Ah si, moi j'en mange tout seul. Ah. Du gingembre confit ou du gingembre. Ok. Mais c'est un aliment aussi qui se mélange bien avec d'autres et qui. C'est vrai. C'est un aliment qui est particulier, qu'on découvre. La subtilité. Ouais, moi j'ai découvert ça tard par exemple. Et ça va toujours dans le même sens, c'est que. Je pense avoir une saveur complexe et que quand on y a goûté, peut-être qu'on... Maintenant, moi, je peux plus m'en passer, on y revient. Mais je comprends très bien qu'on n'aime pas le gingembre. Et je comprends très bien que... On peut pas toujours apprécier ce que l'on fait. Voilà, voilà. Et que tous les artistes, d'ailleurs, sont un peu du gingembre. Hein. Tous les artistes francs. Oui, c'est ça, pour les gens qui veulent... Du café ou du vin, ou tu vois, des trucs qui... où il peut y avoir une grande richesse, mais aussi un rejet total. Surtout quand tu es un peu plus singulier, un peu Ben, je trouve que les artistes devraient tous cultiver ça, mais... On est loin de ça, mais le public n'a pas non plus envie que tous les artistes soient singuliers. Le public a aussi envie de choses simples parfois. Oh, oui, et des Mitchell, c'est rassurant, et des Mitchell. Bien sûr. Tu sais, assis sur son sofa et écouter du des Mitchell, on comprend. Et c'est très bien, mais moi, j'aime ça aussi. Hein. Oh, oui, oui. Mais ce qui définirait vraiment un artiste, pour moi, c'est pas forcément ça. Mm. Mais ça, c'est un artiste populaire, c'est un artiste d'entertainment. Rassurant. Et voilà, il y a du cinéma génial et de la musique géniale comme ça. Si mais moi, je suis pas comme ça. Non, c'est ça. Toi, tu es un peu plus à touche. Un complexe. Peu complexe. Si tu étais une saison. Ce sera forcément fin septembre. ce sera fin septembre, la semaine en question, à Sutton, par exemple. Ben oui, ben oui, voilà. Quand tu seras à Montréal. Donc c'est non, je serai en tout le mois d'août et mi-octobre. Donc je vais rater l'été indien. Mais ça va être le moment où tout bascule. Ça va être, oui. Voilà. Et à Sutton, dans les cantons de l'Est. Tu vois, dans un... Merveilleux, c'est vrai. Au bord d'un lac. Ah, quelle belle... oui. Puis c'est un endroit où tu peux créer. C'est tellement... Je suis parti fin septembre, il y a 2 ans, dans un chalet qu'on m'avait prêté. À Sutton, au bord d'un lac. Okay. Et pour moi, c'est vraiment exactement... Bon, c'est la saison la plus magnifique. J'aimerais être ça. Mais c'est surtout la saison où... Charnière. Voilà. C'est la saison où rien n'est rien exactement. Et tout se prépare à... Voilà. Tout se prépare. Hein. Voilà. On a déjà eu et nous aurons. Voilà. Donc c'est la... Et on espère. Oui, on espère, oui, que l'hiver ne soit pas trop difficile. Voilà. Si tu étais un membre corporel. C'est marrant, ça me semble beaucoup plus difficile de répondre à ça. Moi, j'ai demandé au gérant. Bah, c'est pas un membre corporel, mais c'est les émotions, c'est le, c'est ça. Les neurones, même c'est pas. Ouais, bah, même si, parce que même tout ce qui est physique. Fini en émotion. Et je suis très sensible physiquement, y compris. Alors, je suis pas sportif, je suis pas un acteur physique, c'est-à-dire je suis pas un mec qui se dépense et tout ça. Mais par contre, je suis très sensible de mon corps et j'aime les sensations corporelles évidemment. Mais tout ça finit en émotion. Tout ça finit dans une partie de mon cerveau, je sais pas où c'est. Non, mais je vibre, ouais. Je vibre physiquement, mais c'est des émotions. Okay. Donc ça reste quand même cérébral. Même le physique finit dans mon cerveau. Quoi. J'ai l'impression que le cœur, le noyau. Le noyau, voilà, la finalité de tout, c'est quand même à l'intérieur de mon cerveau. Même si le corps est très important. Si tu étais un moment de la journée. Ben, je suis en train de découvrir le matin tôt. Oui, c'est vrai que 10 heures, ça. Non, mais c'est surtout le bébé. Je suis levé depuis 7 heures. Okay. Et OK, parce que là, tu habites avec l'enfant. Ah bah oui, la je mère. Vais avec... Ah ouais, okay, bien sûr. Okay. Ah, je croyais qu'ils étaient ailleurs et toi, t'as... Ah non, non, non. Okay, non. Okay, okay. Non, non, je travaille au 104, j'ai mon studio. Okay. Mais j'habite avec la maman et avec le bébé. OK, tu habites près d'ici. Oui, j'habite à 1 km d'ici. OK. Donc... Donc mon bébé me réveille à 7h30 et je découvre ces instants où l'esprit est différent quand même. Et c'est là où tu te couches à une certaine époque, lorsque exactement, tu étais musicien. Ouais. Étendu nu sur un futon, éveillé mais je fais le mort. J'attends le passage des mains que j'adore. Le moment où, paupières serrées, le nez fourré dans l'oreiller, le corps en croix lourd et mollasse, la goutte d'huile me glace. M'enchanteront du bout des lèvres. éveillé, mais je fais le mort. Surtout ne crois pas que je m'endors. J'attends, j'attends, j'attends si fort de sentir que tu m'aimes encore. Combien pèse une idée? Lesquelles? Celle d'Einstein? Ça dépend. OK, ça dépend du penseur. Ça, moi, Socrate, ça doit peser au moins une idée de Socrate, c'est 25 livres, 30 livres. Combien Socrate en a écrit dans sa vie? Ça dépend. Ben, ça dépend de quoi? Ça dépend d'absurde. Ah oui, c'est... Non! C'est pas, non, ça semble être un imbécile, cet individu-là, mais il en est rien. Parce que, ça dépend, je sais vers quel chemin tu veux m'amener et m'emprunter, dans quel sillon tu tiens à me faire virer, c'est que ça dépend de l'éditeur. Socrate, c'était qui? C'était le Deuil? Ça dépend. Ouais, c'était les éditions du Deuil. Platon, lui, c'était l'aristopratie. Comment ça? Ça va bien, oui. Ça va bien? Qu'est-ce qui se passe? Voyons donc, oui. Tombes-tu dans un mal? Voyons donc. Aristote, pré-aristocratie. Bon, je l'ai eu. Fait du bien de faire des... Je me sens comme Jean-Pierre Ferland. Combien il pèse une idée? Une idée farfelue, c'est quoi? Ça se compte en grammes? Mais oui, c'est farfelu. Ça s'est évaporé comme ça dans mon cerveau. C'est farfelu. C'est pas lourd, là. C'est vraiment pas la pensée cruciale. Être ou ne pas être, ça c'est lourd. Ça c'est du lourd, là. Être ou ne pas être. That is a question. Il faudrait évaluer aussi le prix d'une idée. Mais combien pèse une idée? Une idée loufoque? Ça vaut pas cher. Une idée qui, elle, est précurseur de l'avenir. Ça, c'est bon, ça, là. Attention, on tient un filon. Rita, on le tient. Appelle la police. Allô, police? Ne lui touche pas. On les touche à qui? Ne lui touche pas. Voyons donc, là. Allô, la police? Ne lui touche pas. OK, on le voit, là, mais on n'y touche pas, on n'ose pas y toucher. Ne lui touche pas. Non, mais c'est ça, c'est une idée qui nous est arrivée précoce. Ça fait des idées précoces, là, c'est quelque chose, c'est un avorton. Combien ça prend le temps, une idée, pour qu'elle devienne une idée? Un enfant, c'est 9 mois, une idée. En avez-vous une idée? Comment ça prend une idée pour être une idée? Non, je sais, mais combien ça prend une idée pour être une idée? Et qu'est-ce que ça prend à une idée pour être une idée aussi? Non, il touche pas. Lâchez-moi, vous, là. On touche à rien. On touche au micro avec les lèvres. Mais sinon, urk. Ça fait du bien, hein? C'est un gorgoton de... Mais l'idée... L'idée m'est venue. Oh non! On va changer de short. Non, pas cette idée. Non, c'est... Oh, non, c'est pas disable à la radio. On n'est pas à la radio, on est chez moi, dans mon domicile. Oui, monsieur? Ne lui touchez pas. Non, faites-vous en pas. Vous, là, lui, il a juste une mission dans la vie, c'est ça. Ne lui touchez pas. Non, c'est pas compliqué. Hein? On le paye-tu pour ça, là? Comment vous êtes. Êtes-vous rémunéré? Ne lui touchez pas. Ah non, il touche pas. Touchez pas à votre compte, à votre paye, vous non plus, là. Ça vaut pas ça, là. Je sais pas comment. Si vous êtes bénévole, ça vaut même pas la peine. Vous êtes ridicule, monsieur. Comme une certaine idée. Les idées ridicules, là, ça pèse comment, ça? C'est un poids, ouf, farfelu. Ouf, je sais pas, là. Des milligrammes. Oh, même millilitres. Mais non, millilitres, ça, c'est des. Il faut que ce soit du liquide, millilitres. Ben ouais, c'est des gouttelettes. C'est quelque chose qui passe. Les temps qui passent, ça m'efface. Les souvenirs, les beaux jours basés. Folle jeunesse, toi qui me laisses. Ah, oh yeah. Ça va très bien, merci. Vous, M. Thibodeau? Ah non, on laisse ça. Ok, attention, je suis dans le personnage. Là. Dérogez-moi pas. Si vous me faire sortir du personnage, moi, je connais ça, les gens qui tiennent. Est-ce que pendant une émission, il se passe, comment vous appelez ça, donc, un exorcisme. Si vous voulez un exorcisme en direct, là, on vous en fera un exorcisme en direct. Très simple, il vous faut... un être habité. Êtes-vous habité? Moi, oh, je suis dans un 3,5 meublé. Il y a de la poussière. Il y a des affaires qui s'attraînent dans ma tête. Tous les tiroirs sont ouverts par terre. Il n'y a pas de rat, il n'y a pas de spatule, de rotule, de bidule, de pétule, de bétitule, de sestule, de madule, de balule, de la sule, de rambalule, de oui, ça va. Oui, arrête, appelez pas la police. Oui, on va appeler la police. L'ambulance est mieux. Oui, parce qu'on est couché. Oui, c'est vrai, hein. Alors là, pour évaluer le poids d'une idée, l'idée m'est venue de vous la poser, la question. Quand tu t'appelles Voltaire, est-ce que ça a plus de poids que si tu t'appelles Rita Tremblay? Que là, Rita Tremblay peut en avoir des idées. Ben moi, j'ai commencé à épousseter de droite vers la gauche. Puis là, je sais pas, aujourd'hui, là, je me suis levé du pied droit, je dis, on va aller du droit vers la gauche. Puis là, demain, si ça va bien, là, du haut vers le bas, après ça, du bas vers le haut. Alors, j'ai peut-être nettoyé mon toit. J'ai jamais nettoyé mon toit. Moi, j'ai une maison, ça coûte cher. L'argent, c'est du travail. Travail, c'est pas trop dur. Puis voler, c'est très beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux faire. Mais mon toit, avec quoi tu laves ça? Une guenille, madame? Ah, moi, c'est avec un râteau. Vous lavez avec un râteau, ouais, ça doit être graffiné. Non, mes lunettes, regardez-moi les lunettes, c'est lavé avec du râteau. Ben, vous voyez, vous ne pouvez rien, il n'y a pas de vitre. Non, mais j'ai pété ma vitre. Vous avez pété votre vitre. C'est bien certain. Vous prenez un chamois, vous tournez ça autour de votre verre, le chat cherche à se sauver. C'est comme Chasson de Schwer, tu sais, vous savez, le produit liquide. Deux gouttes de Chasson de Schwer. OK, de Chasson de Schwer. C'est une chanteuse, ça? Ben oui, elle chante nue. Ah, ben ouais, elle n'a pas de talent, donc elle se montre là. Elle va donner ce que vous voulez, ce qu'il souhaitait. Oh, je voudrais Rita, je voudrais bien Chouinette, mais c'est comme ça, hein, puis là, laver mon plancher, avec un retour, je me suis dit que peut-être ça serait pas très beau. Quoique même si je le lave avec un chiffon, c'est pas beau, je sais pas pourquoi, moi j'ai pas le talent d'embellir. Oh, c'est beau ça, j'ai pas le talent d'embellir, peux-tu le retirer une autre fois? La dernière, s'il vous plaît. J'ai pas le talent d'embellir. Oh, hein, le palais se promène partout. Essayez ça à la maison. J'ai pas le talent d'embellir. Vous allez voir que dans votre bouche, la langue se promène en haut, en bas, en haut, en bas. C'est comme si vous frenchiez les mots. Voyons, donc tu frenches ça. Ben oui. Oh, oui. Frenchiez les mots, là. Prenez-les. Disons le mot, je vois ici, Ami, parce que Trois Amis, un film de Michel Beaugna, que je n'ai pas vu, qui ne m'interpelle pas trop, mais j'ai l'affiche ici. Et je vois le mot Ami au pluriel. Alors, quand il y a un pluriel, on dirait que le French est beaucoup plus intense, parce que là, il n'y a pas juste une langue, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs amis. Là, on ne les connaît pas. Mais on s'imagine les plus belles. Là. Moi, c'est Kate Winslet. Elle est belle, Winslet. Elle est belle, oui, non, elle est belle. Kate Winslet. Ben oui, mais c'est. Non, elle n'est pas laide. Kate Winslet, c'est son nom d'actrice. Kate Winslet. Tu ne connais pas Kate Winslet. Elle a joué dans Holy Smoke. Ça fumait là-dedans. Ah, oh, non, c'est l'endoctrinement religieux. Hey, c'est vrai. à jouer dans une pourriture que j'ai jamais vue. L'avion a coulé. Non, c'est pas un avion, c'est un bateau. Un bateau. Non, c'est un hydravion. Là, il y avait Céline Dion qui était là. Ah, franchement, faites couler ça, faites-la couler. Faites-la couler, elle ne viendra pas ses plaines. On la veut pas ses plaines. Oh, hey, on va recréer la bataille des plaines d'Abraham qui s'en vient. Conspiration, tout le monde. Allô, Roger. Là, je suis excité. Hey, Roger. OK. Hey, tu sais que sel. Mais pas trop de sel, ça donne mal au dos. Mais sel. Celle qui va, là. Tu sais, c'est qui, celle qui va? Bon. Mais elle va venir. Puis moi, là, quand ça vient, puis... C'est pas le temps de venir, là. Je me sens mal à l'aise. Toi, t'es-tu comme ça, toi? Comme ça. On est deux comme ça. Là. Quoique, le public, en général, doit se sentir de même, là. Il veut pas, puis là, oh! Hydro-temps! Au revoir! Non, mais, ouais, mais c'est ça. Mais là, Céline! Elle s'en vient, Céline. Peux-tu faire quelque chose pour pas qu'elle vienne? Ah, peux-tu faire la précocité? Comment? Jouer de précocité? On paye pas une maudite scène? Oui, combien ça coûte? Oui, OK. Si je te donne... OK, écoute-moi mon oui. M'a donné ça en idée. OK? Puis là, tu vas amener ça chez un joaillier qui, lui, tu vas me dire, ouais, ben le joaillier, c'est pour les diamants, Mireille Matto, une colombe est partie, non, Mireille Mathieu, mais là, Mireille Mathieu, ça vient sur les plaines, là. Elle vient pas. Incognito. Quoi qu'avec sa chevelure, on va la reconnaître, hein? Oh, comment qu'elle soit là? Oh oui. Adieu l'amour, les hommes tendent de l'été, se sont faits. Et si je place ça sur mon Facebook, là, je suis sûr que tous les kitsch, là, tu sais, les gens qui ont le mauvais goût vont cliquer, dire, hey, j'aime ça, c'est Mireille Mathieu. Le monde est mieux, merveille Mathieu, j'aime mon public, j'aime ma meneuse. Le monde est mieux, merveille Mathieu, c'est vrai qu'elle a une belle voix, un nid qui n'est pas le mien, heureusement. Mais Cyrano, dans son rayon, se dit pourquoi cette chanson... Pourquoi cette chanson me compare à Rimei Mato et à Céline Bidon? Telle est la question. Une idée qui en vaut une autre. Donc, ça annule. C'est du troc idéologique. Allez, place à la musique. Dans un village pueblo à Taos. Morning. Morning. Where are you from? From France. Oh, my goodness. It's a long way. Ah, it's a long way. Yeah. You stay here always? No, I live 2 miles away. Yes? Yes, I come up here and work, then go home. Ah, yes. Beautiful here. The music is from this flute. Yes, yes. Done by my son. Your son? Yes. And this music is traditional? Yes. Tradition? A very old. It's both contemporary and traditional. Yes, yes. The basis. That one there is traditional. Yeah. Yes. Yeah. Day. Yeah, thank you very much. Thank you. For you too. You too. Yes, thank you. Bye. $1 makes about 6 francs. 1 gallon costs about $1.20. So, how much does it make for 1 liter of gas? D'un bras d'honneur tonique, je couperai la chic aux vaches avachies qui me lèchent sans relâche. Oh, j'enragerai dans la rue, croquerai des mollets. Mais si je montre mon cul, vous ne le verrez jamais. Moi, je suis sympathique, un peu malgré moi. Je suis sympathique, tellement sympa. Jardin secret, je serai soupolé des huiles sur de la braise. Pogo, bagarre de chaise, je hurlerai à boire, je casserai des phares. Dans mon jardin secret, je serai plus fort que moi. Moi, je suis sympathique, un peu malgré moi. Je suis sympathique, hyper sympa. Je suis sympathique, alors aimez-moi. Je suis sympa. Hyper sympa. Et je découvre que on est plus fin à cette heure-là. On est plus vivace. Ouais, on est aiguisé. Ouais. Et ma fille, par exemple, est un bébé de 1 an. Ouais. Et elle est géniale à cette heure-là. Ah ouais. Elle est curieuse, elle est calme, elle est tendre, elle est. Alors qu'en fin de journée, elle est fini. Tendue, excitée, et tout ça. Ouais. Ben, le stress de la journée, ouais. Le stress de la ville, le stress de Paris. Ouais. Alors toi, c'est le matin, là, depuis quelques temps. Disons que maintenant, je suis du matin et donc je commence à trouver que le matin est la période où l'être humain est le plus lui-même. Quoi. Réceptif. Ouais. Et lui-même, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup de gens qui écrivent, écrivains, ils écrivent le matin, souvent. Oui, très tôt, ils se lèvent à 5h du mat. Ouais. Ils écrivent de 5h à 10h du mat, j'en connais plein. Ouais. Et après, ils vivent leur vie. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Si tu étais un autre individu. Je sais pas qui je pourrais être. Je sais qui j'aimerais être. C'est alors, pareil, vas-y. C'est pour ça que la question est bâtarde. Non, mais je sais quel genre de personne j'aimerais être. J'aimerais être un Canadien. Un Québécois ou un Canadien? Non, un Canadien pour okay. le coup, désolé. Ok, non. Mais qui parle bien français. Il y a un Nord-Coréen? Non. Ok. Non, David Cronenberg. Ah oui, bah oui. C'est pour moi. C'est un être suprême. C'est un artiste suprême. As-tu ça a l'air d'être un. Je ne l'ai pas encore vu, non. Okay. Mais j'ai tous ses films chez moi en DVD. Okay. C'est un être dont j'aime tout. Toute l'œuvre, en tout cas. Je ne connais pas cet être. J'adorerais un jour rencontrer ce j'aime gars. Tout sur. Ah oui, j'aime tout ce qu'il a fait. Même ce que les critiques disent un peu moins réussi, toi, c'est. Le film que j'aime le moins, c'est Crash. Mais j'aime ses premiers films aussi. Naked Lunch. Alors, j'adore. Le Festin et Nu. Ouais, j'adore. J'adore. Alors, je connais pas tous les titres en anglais, mais. Le Festin et Nu. Le Festin et Nu, ouais. Mais même le film qu'il avait fait juste avant, qui s'appelait. C'était Twins. Comment ça s'appelle sur les jumeaux, gynécologue. Ah oui, faux semblant. Oui. Ah non, pas du tout. jusqu'à. Oui, j'aime un petit peu moins le dernier qu'il a fait. Pas, je parle pas du film avec Robert Pattinson, okay. Mais celui juste avant sur la vie de Freud et de Jung, oui. Qui est pas mal, mais qui est pas son meilleur film, je trouve. Mais de toute façon, j'aime parce que c'est un gars qui se pose des questions constamment. Et qui fait un cinéma. Il cherche une autre forme à chaque fois. Ah ouais, d'une finesse. Et qui n'est pas dans les sentiments basiques. Il parle de choses vraiment de sensations étranges. Et il a été très loin dans ça, et ça me fascine et ça me plaît. Et moi, bah, tu me parlais de « Il pleut dans ma bouche ». Oui. Pour moi, c'est une chanson... voilà, j'aime David Cronenberg. Et si j'étais quelqu'un de totalement accompli, je ferais quelque chose d'aussi singulier que David Cronenberg. Comme cette chanson, j'aime beaucoup. Cette chanson de moi, je l'aime beaucoup. C'est une des rares que je défendrai toujours parce que je ne sais pas ce qu'elle raconte. Elle est ambiguë, elle est trouble. Et j'adore l'ambiguïté, j'adore ça. Et donc, voilà, j'aimerais être David Cronenberg, mais je sais que je ne suis pas David Cronenberg. Ouais. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin que lui? Non, que j'ai fait. À choisir, j'irai directement à la fin voir ce que je cherche. Okay. Ah, oui, parce que je cherche toujours. Okay, mais je crois que j'ai pas le choix. Je suis obligé de chercher, de me cogner tout le temps. Mais c'est chiant de se cogner tout le temps. C'est chiant de regretter, enfin de pas être content de ce qu'on a fait. Et je suis jamais content de ce que j'ai fait. Ah, c'est et franchement, c'est hyper douloureux. Mais donc à choisir, j'aurais trouvé quoi. À choisir, je trouverais. Avant de terminer, j'aimerais, parce que durant que je te parlais, il m'est arrivé une idée. Lorsque tu réécoutes tes chansons que tu vas nous offrir à l'automne, est-ce que, je sais que c'est un peu complexe, mais est-ce que tu peux reconnaître les pièces qui sont diffusables à la radio? Ah ouais, ça, là, ça pourrait jouer sur France Inter. Mais ça, on sait toujours. On croit toujours savoir, mais en tout cas, il y a même une démarche qui est qu'à un moment, quand une chanson ressemble à une chanson qui pourrait passer à la radio, ou quand tout le monde te dit « Ah, oh, cette chanson », parce que je les joue beaucoup en concert déjà, mes chansons, quand tout le monde te dit « Ah, oh, cette chanson, qu'est-ce qu'elle me touche ?» Ou, tu vois, quand il y a un truc où on se rend compte qu'une chanson plaît à tout le monde, on va pas commencer à la gâcher en mettant un instrumental de 10 minutes au milieu. Okay. Tu vois, on essaye de faire en sorte qu'elle soit compatible, parce que ce serait trop bête de gâcher Le plaisir des voilà. Des gens. Donc moi, je sais que dans mon disque, il y a 3 chansons dont j'ai l'impression, puis je crois aussi que ma maison de disque, elle a tout de suite dévisé aussi. Ouais. Il y en a 3 qui pourraient passer à la radio. Après, on se rend jamais compte. Si ça se trouve, c'est l'inverse qui va se passer. Oui, mais en même temps, en sachant qu'il y en a 3, comment tu les places sur l'album? Est-ce que tu as déjà... Ça, c'est la grande question. Ça, je sais. Mais à l'origine, avais-tu vraiment, un peu comme un livre, hein, l'introduction... Un pacing, quoi, c'est un truc... C'est ça? Non. Une visibilité musicale? Non. Alors, tu... Non, je sais pas encore laquelle va ouvrir le disque. Tu sais pas encore? Non. Et ça, c'est chiant parce que... La pochette est faite? Non, pas du tout. Ah, y a rien. Non, il sort en février, j'ai le temps. Non, je suis en train de finir la musique et après je vais me poser ces questions-là en fonction. C'est quand même d'abord du son. Ouais. Les gens vont d'abord écouter du son, donc je peaufine ça. Et après je vais me dire, bon, par quoi on rentrerait le mieux dans ce disque? Et peut-être que je vais faire une erreur, et, parce que c'est, dans mes précédents disques, par exemple, j'ai des regrets. Tu vas rire. À la mairie, autant de tout promettre. Je ne t'ai pas menti, mais j'ai omis peut-être un détail et demi, tu vas rire. En homme de mon âge, j'ai lourd et long passé. Les femmes et les voyages m'ont déjà épousé et jamais divorcé. Tu vas rire ou pas? Mais rassure-toi, tout va bien, ma chérie. Si ça comptait vraiment, t'emballe pas. Tout va bien, ma chérie. Si c'était important, tu n'en saurais rien. Tu vas rire. Miami, Madrid ou Ottawa, un enfant qui grandit se demandera qui et me retrouvera. Tu vas rire. Mais je suis comme ça, je suis comme le ciel a voulu. Pour vivre en harmonie, au berceau j'ai reçu le don de double vie. Tu vas rire, hein, ou pas? Mais rassure-toi, tout va bien, ma chérie. Si ça comptait vraiment, t'emballe pas. Tout va bien, ma chérie. Si c'était important, voyons. comptait vraiment, vraiment, tu n'en saurais rien. À la mairie, autant de tout promettre. Je ne t'ai pas menti, peut-être. Absent et son iris absinthe, tandis que Marie-Lou s'amuse à faire des volutes de sèches aux mentoles, entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec le zip de ses Levis. Je lis le vice et je pense à Carole Lewis. Son regard absent et son iris absinthe, tandis que Marie-Lou s'évertue à faire des volutes de sèches au menthol, entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec le zip, à entrevailler ses Levis. Dans son regard absent et son iris absinthe, dis-je, je lis le vice de Baby Doll et je pense à Lewis Carole. Et son iris absinthe, quand crachent les enceintes de la sono, l'encens, accords de cartes et de quintes, tandis que Marie-Lou s'esquinte, la santé s'éreinte à s'envoyer en l'air, lorsqu'un insonge absurde Marie-Lou se résorbe, que son coma l'absorbe en pratiques obscures, sa pupille est absente et son iris absinthe. Sous ses gestes se teinte extase sous-jacente. À son regard le vice donne un côté salace, un peu du bleu lavasse de sa paire de Levis, tandis qu'elle exhale un soupir au menthol. Ma débile mentale, perdue en son exil physique et cérébral, joue avec le métal de son zip et l'atoll de corail, apparaît. Elle cite Coca-Cola, un doigt qui en arrêt au bord de la corolle est pris du calice, du vertige d'Alice, de Lewis. Carole. Lorsqu'en songes obscurs, Marie-Lou se résorbe, que son coma l'absorbe en des rêves absurdes. Sa pupille s'absente et son iris absinthe subrepticement se teinte de plaisirs en attente. Perdu dans son exil physique et cérébral, Alain, elle exhale des soupirs fébriles parfumés au menthol. Manubile mental fait teinter le métal de son zip et Narcisse, elle pousse le vice dans la nuit bleue lavasse de sa paire de Lévis. Arrivé au pubis de son sexe corail, écartant la corolle, prise au bord du calice de vertigo, Alice s'enfonce jusqu'à l'os au pays des malices de Lewis. Carole. Baby doll, écoute ses idoles, Jimi Hendrix, Elvis Presley, T-Rex, Alice Cooper, Lou Reed, les Rolling Stones, elle en est folle. Là-dessus, cette Narcisse se plonge avec délice dans la nuit bleue pétrole de sa paire de Lévis. Elle arrive au pubis et très cool au menthol. Elle se self-contrôle son petit orifice. Enfin, poussant le vice jusqu'au bord du calice, d'un doigt sexe symbole s'écartant la corolle, sur fond de rock'n'roll. Rock'n'roll s'égare mon Alice au pays des malices de Lewis Carroll. J'étais ici hier, un masque sur la tête, poitrine et cœur ouverts. dans mon habit de père. J'étais ici hier, le doigt sur la couture, à regarder ta mère monter dans la voiture. J'étais ici hier, les menottes au poignet, condamné volontaire à la voir t'emmener. J'étais ici hier et je n'ai pas bougé. Les ongles rongés, ma langue avalée. J'étais ici hier en héros japonais, le double menton fier pour ne pas m'affaler. J'étais ici hier, moi aussi je pleurais, mais j'ai quitté ta mère. J'étais ici hier, malheureux comme les blés, et j'ai laissé ta mère partir pour un beau jour, m'aimer à mon tour. Je ne sais pas si je vais réussir, mais par exemple mon précédent disque qui commence par catastrophe, moi ça m'énerve, j'en peux plus d'entendre ça. Toi tu l'aurais placé à la fin parce que c'est la j'ai eu envie que le disque, je me disais oh, c'est marrant mais le disque on entend catastrophe, mais bon voilà, qu'est-ce que je vais faire là, j'ai envie qu'on rentre en douceur mais il faut aussi séduire assez vite, on peut pas non plus mettre les chansons les plus fortes plus tard, donc il faudrait sans doute que je mette une chanson qui plaît un peu à tout le monde au début. Parce que ça, quand je dis ça plaît à tout le monde, voilà, et puis ce serait con, ce serait snob d'aller chercher un truc compliqué. Donc on va voir quand le disque sera fini, il y aura peut-être une évidence de dire ah bah attends, mais évidemment. Oui, mais les amis peuvent pas te dire ah ben celle-là je place-la là, celle-là je la place-la là. Les amis ont tous des préférences différentes, et puis des propos différents. Il y a des amis qui aiment les choses qui plaisent à tout le monde, il y a des amis qui aiment les choses qui plaisent surtout pas à tout le monde. Non, mais c'est en discutant avec les gens que tu peux quand même te fixer un peu, mais il y a tout et son contraire quand même. Oui, oui, oui. Ben, c'est pas facile. Ouais, j'écoute très peu de personnes. Combien de titres sur ton nouvel album? 11, sauf si j'en vire une, ou si j'en compose une dernière en septembre, mais ça m'étonnerait. Ça se peut? Bah oui. Mais ça serait guitare-voix, ça serait comment? Oui, peut-être. Non, mais ça va pas arriver, je non, pense. Non, mais un petit cadeau, tu sais, la dernière chanson. Ouais, le coup de bol, le truc, tiens, incroyable. Ouais. Mais sinon... J'arrive à mourir. Non, c'est déjà fait. C'est drôle, j'avais cette chanson... Non, j'avais la chanson d'Ariane Moffat, oui. Montréal. Ah oui, la reggae, la chanson reggae. Ouais. Et je l'ai mis ce matin au réveil. Mais dans ta tête ou à la radio? Dans ma tête. OK. Et ça m'énervait parce que j'arrivais pas à m'en sortir. Ah oui, mais c'est un très bel énervement. Ariane Moffat, c'est... Ah ben oui. Quelle femme. Quelle femme. Mm-hmm. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu la connais au niveau professionnel? Est-ce que tu l'as rencontrée? C'est une grande amie. OK, une grande amie, OK. C'est une amie très proche. OK. Ouais. Oui, une amie très proche aussi de Mathieu Chédid, donc... Oui, mais ils se voient moins souvent. Enfin, oui. Non, mais à l'origine, ils se sont... Je l'ai connue par Mathieu, Ariane, c'est vrai. Mais c'est devenu une grande amie. Ouais, ouais. Mes deux grands amis chanteurs sont Pierre Lapointe et Ariane Moffat. C'est vraiment des amis intimes. Voilà, c'est pas pour faire du name dropping, je sais pas non, si non, ça non, se non, dit. Non, mais voilà, non, c'est mes amis intimes dont je me sens très proche. Okay. Même si ce qu'ils font n'est pas exactement dans le même style. Pas du tout, mais pas c'est des gens qui sont très compatibles au niveau de l'humanité et de la c'est recherche dans et de l'écriture. Et, ouais. On a passé des nuits à papoter. À boire des verres ensemble et à parler d'écriture, de création. Création. C'est, on ah, est ouais. p- parfaitement compatibles. Sur la même longueur d'onde que le Tien Sprint. Après, c'est la forme. Oui, oui, oui. C'est autre chose. Il y a une chanson de Tien Sprint qui dit « Je suis sur la même longueur d'onde » et c'était vraiment... Ah, mais c'est complètement ça. Oui, oui. Ben, Albin, merci de nous avoir offert quelques minutes à travers ton... Mais c'est un plaisir. C'est un plaisir de pouvoir parler tranquillement aussi, comme ça. Et de... Oui, dans un petit café bruyant et intéressant. Et parce que ça fait réfléchir aussi de discuter comme ça. Moi, ça, tu me poses des questions, le questionnaire de Proust, là, qui penses-tu que tu es? Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Tout ça, ben, ça oblige à réfléchir et puis ça fait avancer. Moi, ça m'intéresse. Pas que dans le sens j'aime parler de moi. Oh, il y a une chanson dans mon prochain disque qui dit blablabla, parlons plutôt de moi. Non, okay. Parle-moi de moi. Parle-moi bon, alors, il y a ça, hein, j'aime beaucoup parler de moi, mais parce que je suis un être frustré. Mais, frustré non, mais frustré de. Tu sais, en quête de quelque chose. Ok, ouais. À la recherche de. Ouais, donc. Mais j'aime. Parler de moi, ça m'apprend des choses sur moi et voilà, ça m'en. Donc ça m'intéresse. Oui. Tant qu'on n'est pas dans l'interview flash de 3 minutes où je dois vendre mon disque, mais ça, là j'ai rien à te vendre en journaux, plus. Hein. J'ai rien à te vendre, donc je parle d'autant plus calmement. Mais écoute, oui et non, ce que tu sais pas, c'est que cette émission-là sera diffusée. J'ai 12 mois pour la diffuser. Et pendant que tu discutes avec moi, ben, je ne peux pas la présenter en arrivant à Québec. Je vais attendre que l'album sorte. D'accord. Donc, ce sera présenté. Ce sera de l'actualité. Ben, sans très bien, tant mieux. Autant que donc, je parle de ce disque. Au mois de février. Oui, ben, d'accord. Et là, nous sommes au mois de juillet. Voilà. Le 4 et juillet. Il fait beau. Le 3 ou le 4. Exceptionnellement, il fait beau à Paris. Alors que là, vous êtes en train de vous geler, surtout à Québec. Surtout à Québec. Mais c'est venteux, c'est pas un bel été ici. Là. Non, mais attends, tu ne te rends pas compte d'où on vient. Tu te rends pas compte de ce qu'on a vécu. Oui, il y a quelques... Notre mois de juin ressemblait à votre mois de février. Oui. Ressemblait chez à ce que aussi, vous vivez en ce moment. Chez nous aussi. Il paraît, ouais. Ouais, c'est assez ordinaire. Ouais. Ouais. Bizarre. On peut pas... Bizarre. Ouais, c'est peut-être la réaction de la planète. Elle a le droit de réagir, elle aussi. Retrouvez-moi au bord du lac, à la nuit tombée. Fuyez le palais par le parc, il faut y aller. N'emportez que le nécessaire, l'or et les bijoux. Abandonnez nos affaires, oubliez tout. Laissez sonner le téléphone, ne décrochez pas. Ne parlez surtout à personne d'autre que moi. J'ai déconné. Ne me demandez pas, ne me demandez pas. Paguerai la nuit entière, tout ira bien. Nous aurons passé la frontière au petit matin. J'ai des amis là-bas derrière, prêts à nous aider. Nous reviendrons quand la poussière sera retombée. Sans vous, j'embarque, mais s'il vous plaît, venez. merci. Et ça finit comme ça, ça finit très, très raide. Là. Si t'es pas prêt, là, t'es pas prêt. Bon, OK, maintenant, je suis prêt. Oh, merci. Alors, allez-y, monsieur. Hey, c'est qu'est-ce qu'il y avait là? T'es en train d'étrangler une brebis? Une brebis galeuse! Une brebis qui s'était... qui s'était enfuie du droit chemin! Ouais, mais là, déjà là, moi, le droit chemin, où est-il? Que fait-il? Pourquoi n'appelle pas-t-il? Il n'y a pas de pas-t-il parce qu'il ne veut rien savoir, le droit chemin. Parce que quand tu l'es dans cette... Quand tu te trouves dans cette direction-là, t'en es certain, fait que tu fais pas appeler tout le monde, là. peux-tu me le répéter? Ben oui, le droit chemin. Oui. Quand tu l'es dans le droit chemin, oui. Mais t'as pas à raconter aux autres comment y parvenir. Tu l'es dans le droit chemin. Ouais, mais pourquoi t'es invite pas? Ben, c'est tout à fait unique, là. Chacun a son droit chemin. OK. Merci, monsieur. Alors, comme le mentionnait Jim Morrison, baisse-moi ça, mon Raymond. Oh, merci. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Ma... Oh non, tu vas pas la faire. Oh, j'aimerais tellement ça. Oh non, non. S'il vous plaît. Oh, ben, vas-y. Ma vie. OK, c'est fini. Détournons encore une fois la réalité. Est-ce que l'on le mentionnait? Oui, survolons la déraison et l'incohérence comme seul votre... On l'a fait, ça. Arrête l'introduction. Oui, oui, mais c'est parce qu'on a la phrase, là. On veut vous la dire. On veut vous la divulguer. On veut vous la passer sous le... Quoi? Sous le silence. Ah, mon Dieu, c'est pas ici le silence, moi, là. On ne le garde pas, là, en prison, celui-là, là. On l'aime pas. Nous autres, là, on veut dire, on veut lancer, puis on veut propulser, puis on veut évacuer, et on veut sonoriser toutes nos expressions. J'aime pas ça, moi, le... Puis en plus, la radio n'aime pas ça. Ne veut pas rien savoir du silence. Elle veut combler tous les moments importants. Puis là, sinon, si pendant une minute, là, j'arrête, là. Il va avoir... On va se sentir très inconfortable. Est-ce que je pourrais l'être? Quoi, inconfortable? Oui, s'il te plaît. Pendant une minute. Pendant une minute. C'est très long à la radio. C'est très, très, très, très, très long. C'est comme mon mariage. Moi, ça a duré 35 ans. Ah, oh, c'est vers la fin, là. Je voyais plus la fin. J'étais comme un soubresaut. Oui, quoi? Je faisais des spasmes. Oh non, oh non, oh non, tout le temps. Tout le temps, jusqu'à 5 ans, les derniers 5 ans de ma vie. Ah, oh, mon Dieu. Fait que moi, le silence, j'ai pas peur de ça. Oui, peut-être que les auditeurs... Les auditeurs sont prêts à entendre ça, le silence, là. Ça va, premièrement, distraire leur tympan. Hein? Puis le son, le non-son amènera le sens. Mais c'est triste, là, de dire ça. Ce que vous voulez lancer de même, là, c'est que ce qu'on dit, c'est sans aucun sens. Ben non, non, non, non, vous avez raison. Et puis, tellement raison qu'on va le laisser. On va laisser quoi? On va laisser la place au silence. OK, hey, mais ça me tente, là, actuellement. Là, tu viens de me convaincre. Là. Laissons un moment privilégié à ce qu'il est au gros mépris de ce qui est sonore. Avant ça, là, quand on avait un 33 tours, il y avait 5 secondes de délai, puis on attendait l'autre chanson. Ah oui, ça va être « Quand je serai grand, je serai petit, je bercerai mes... » Ah, ça, c'est tellement bon. Puis là, il y a 5 secondes qui nous amènent à l'autre chanson. Là, ça va être 60. Et 60, on y va maintenant! Ça fait déjà 10, là. Ah, t'as brisé le silence! Ah, j'aime ça, briser le silence. Alors, la phrase qui nous amènera vers des sentiers créatifs, c'est de double tour à double tour. Hein, mais c'était tellement bon, votre 10 secondes là, de Radioton. C'était le meilleur que j'ai entendu jusqu'à présent à votre émission Errance Rénaldienne. Ben, merci, ma chère dame. Non, c'est un monsieur. Ben, merci, mon cher monsieur. Ben, je suis maintenant rendu madame. Ouais. De monsieur en madame en monsieur, de double tour en double tour, aux quatre en duple. Comment? Quatre en quatre, quadruple, quadruple! Et monsieur, c'est quoi ça? Ça, c'est quatre fois son âge. La belle Gaétane, là, elle veut se cacher derrière ses rides, puis elle veut jamais divulguer sa véritable personnalité. Ah, on en connaît comme ça, là. On sent le collagène! Oui, le collagène, il n'y a aucune gêne là-dedans. Ah non, non. Plus tu mets du col, moins il y a de la gêne. Colle-moi ça, mon Gaétane, colle-moi ça. J'ai 90, mais je suis attiré à 25. Regarde-moi ça, là. C'est-tu bon? Est-ce que c'est bon? Ah, c'est très bon, là, tu sais. Mais ça, comme Raymond Lévesque, voilà. Raymond, es-tu étiré, mon Raymond? Oh non, je peux étirer, moi, là. Alors, de double tour en double tour, au quadruple, on quadruple la mise. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je veux dire que à doubler, on double. Puis quand on double, on quadruple. Hein? 2 fois 2, 4. Oui. Alors, on quadruple la mise. La mise, c'est... Ben, c'est ça. OK. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, fais ça avec ça. Oh, bon. Alors, moi, je conseille 350 au four, OK? Des petits oignons. Toujours les oignons. C'est important, les oignons. Ça donne du goût. Même si vous avez rien, de l'eau avec des oignons. Déjà là, c'est partant, ça, là. Ça donne une motricité à votre eau. Elle sait comment réagir. Elle dit, oh, mon Dieu, là, j'étais absolument... j'étais un néant gustatif. Puis là, je viens de prendre quelque chose, là, j'ai de la vie, j'ai de l'espoir, là. Je suis une eau avec des oignons, OK? Il n'y a pas d'adjectif là-dessus. Agneau de Dieu, non, c'est pas ça. Mais j'en ai, là, si vous pourriez mettre de la viande là-dedans. Dans quoi? Ben, dans l'eau, là, ça goûte quelque chose, déjà, là, vous avez mis quoi? Bon, on a dit des oignons, OK? Vous les aviez où avant? Ben, je les avais dans la poche. Une poche de 5 livres d'oignons. Ah, j'en ai pleuré un coup. Et j'ai pleuré en épluchant toutes mes oignons. Et j'ai cherché même ceux à mes pieds que j'ai rajoutés sans raison. J'avais dessiné... Qu'est-ce que je fais là? Sur le sable, son doux visage... Ah! C'est Frankenstein! Mais c'est son doux visage, là. Il est tellement doux. Touchez-moi ça, ce sable-là. C'est du bon sable de Floride. J'ai ramené ça de là-bas, puis aux douanes, on m'a coupé. On m'a coupé l'herbe sur le pied, puis j'ai dit, ça tombe bien, c'est pas de l'herbe. C'est du sable, hein? Comprends-tu? Du sable. Du sable de là-bas! Hey, ça a été chauffé, cela, là, à 300, à brôle, comme mes petits oignons avec mon eau. Ouais. Ah oui, j'ai oublié de dire que c'était de l'eau bénite par François. François, à un moment donné, je sais pas, il y avait la première journée, il a pas arrêté de bénir. Il savait pas comment faire. Quoi qu'à curer, on apprend à bénir, là. On dit, one day, two day, là, t'embrasses, là. Bon. Là, comment embrasser le sol? On l'a pas appris. C'est Jean-Paul II qui nous l'a dit. c'est des trésors, ça, là. Il a regardé des vieilles cassettes de Jean, de Toutou. Là, il dit, hey, tout doux, il se penche comme ça, puis là, il rit avant d'arriver sur Terre, tu sais, avant de toucher à la Terre, puis avant de l'embrasser avec une dent, comme si c'était Rita Bibelot qui était là, puis qui la regardait, là, puis moi, je suis pas capable de l'embrasser, là, je la connais trop. Ah, je sais qu'est-ce qu'elle a mangé la veille, puis ah! Ça mange quoi? Ça mange la douleur, ça, là. Pas à peu près, ça mange rien d'autre que de la soupe au pois. Imagine, de la soupe au pois, ça sent autant en avant que... Ouais, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va enchaîner, mon cher champion, avec Charles Berberian. Charles Berberian! Ça sent un peu comme les Velvet Underground, hein? Oh, quelle belle émission! On s'amuse! Ben, c'est beau pour toi, mais pas pour nous autres, là! C'est une douleur auditive! Merci! Un matin d'avril 4000, nous nous rencontrerons dans un boui-boui de Vintimille, la foudre pour de bon. Tu cacheras sous une cape ton corps alphabétique, je mâcherai pour toi la nappe, hurlerai des cantiques. Laissés embûchés par la foule, nos corps brûleront d'aise, 110 kilos de chair de poule, pavanant dans la braise. Nos âmes enfin libérées n'auront qu'à se vêtir en épluchant le monde entier, elles pourront bien choisir. Nous ne verrons que nous. par l'amour fou, abasourdi par la cohue d'un bond de kangourou. Nous sauterons dans un avion et filerons vers l'est pour dans les forêts du Japon nous dévorer les restes. Nous ne verrons que nous, ne verrons que nous. En février, j'y ai joué il y a 2 ans, donc enfin, Oui. J'ai joué au Petit Champlain d'ailleurs. Ah, quelle belle salle! Et puis, j'étais pas là au Grand Théâtre quand j'ai joué en avril avec Alexandre Tarot. Oui. C'était une soirée super. Ah, ouais, merveilleux. Ouais. C'est des j'aime soirées intimistes. Mais à l'endroit, le Petit Champlain, j'ai vu Higelin avec trois musiciens et il y avait même un type qui jouait de la percussion. Mahu. Qui a déjà travaillé avec Elton John. Ah bon? Oui, à ses débuts, à Moscou. Wow. Ah oui, il l'a traîné parce que... Un chauve? Oui. Un type avec une allure assez incroyable. Oui, lunettes. Ouais, ouais. Mahu, il joue depuis 25 ans avec Higelin. Il a travaillé avec Elton John. Ah, je savais pas ça. Oui, à Moscou. Wow. Et ouais, mais j'ai le DVD, c'est le même type, et j'ai regardé Higelin, le même DVD, et c'est le même... Ça alors, moi je l'ai vu en... 83 avec Higelin peut-être déjà. Mais c'était là qu'il est passé au Petit Champlain, mais je crois qu'il n'y reviendra plus parce que... Le Petit Champlain, non, mais c'est trop petit peut-être. Ben c'était, mais lui, il voulait faire ça comme ça, c'était voulu, mais je sais pas, à part Arthur Ashe qui est un amoureux de Québec et de Montréal, et donc, ben, tant mieux, hein, s'il y a des amoureux. Oui, Arthur, il aime y aller. Non, mais on est quelques-uns quand même à adorer aller là-bas, franchement. Ouais. Ben, ça, c'est aussi grâce au départ, c'est grâce à Laurent Saunier. Oui. Tu vois qui c'est? Oui, ben oui. Laurent a nous invité tout le temps. Moi, c'est grâce à Laurent que je suis venu tant de fois au Québec. Maintenant, je peux y venir sans lui, mais c'est Laurent qui a tout fait pour que je vienne. Et c'est grâce à lui, notamment aussi, que faire scène, je pense, et tout ça. Ah oui. Donc, voilà, on est nombreux à être amoureux du Québec quand même. J'ai appris que Anne Sylvestre a une maison à Montréal. Oui. Ça n'arrête pas, il y en a plein. Véronique Sanson. Ah oui. Ah oui, si tu veux connaître des grands noms, des gros noms. Mais même à une certaine époque, la ville préférée de Noir-Désir était Montréal. Ah oui. Québec aussi. De faire des spectacles avant l'événement, c'était extraordinaire. Oui. C'était vraiment la ligne directrice où ils pouvaient. Parce que tout se passe, hein. Ben vous n'êtes pas chez vous, donc vous pouvez vous laisser. Oui, et puis on est mieux que chez nous. Enfin, en n'étant pas chez soi, ça a l'avantage du truc exotique, tu vois, c'est toujours pareil. Il vaut mieux être touriste qu'en immigration. Oui. Et on sera toujours touriste à Montréal, même si on y vient souvent et tout ça. Et donc c'est super agréable parce que Montréal reste exotique et on reste exotique à Montréal aussi. Donc nos amis, on les voit pas assez souvent, donc ils sont contents de nous voir, on est contents de les voir. Alors c'est la fin. C'est la relation géniale, c'est super. C'est vrai. Mais mes amis de Montréal sont des amis tellement chers aussi. Et justement aussi parce qu'on se manque, parce que... Mais as-tu des amis à Québec, la ville de Québec? Un peu moins. À travers la page, moins. Non? Je l'ai croisé, mais je le connais pas, non. Ok. Non, j'ai un ami qui habite à Québec. Et puis, j'ai rencontré Michel Côté il n'y a pas longtemps, mais je ne pourrais pas dire que c'est un ami, mais c'est une personne que je verrais plus souvent si je venais plus souvent, que j'appellerais chaque fois que j'irais à Québec. Ah ouais. Et puis, j'ai des amis Alain Schneier, que j'ai connu au Petit Champlain quand il y travaillait, mais il y a 20 ans, quand j'étais venu accompagner une chanteuse là-bas. Qui ? Elle s'appelait Clara Finster, mais elle est venue une fois il y a 20 ans. Et puis c'est marrant, il s'est souvenu de moi et moi aussi, et on s'est retrouvés comme ça. Mais beaucoup moins, j'ai beaucoup moins d'amis à Québec. Ben écoute, ce sera peut-être une occasion pour revenir, et surtout dans les studios de CKRL. Voilà. On fait des spectacles. Êtes où? Ben là, on est actuellement au coin de la 4e avenue et de la 3e rue, dans la pierre angulaire de la ville de Québec. Je connais pas assez, en fait. Ouais, mais c'est ça. Donc, il y a des émissions CKRLiennes. Où on peut vraiment jouer en direct. Je viendrai chanter la prochaine fois. Ben écoute, on t'attend. Mais je pense que j'ai dû venir peut-être quand j'ai fait le festival d'été. Ouais. J'avais fait pas mal de radio, mais je me souviens plus. Ben, il y a Tania Beaumont qui se promène avec son micro, un peu comme moi, et qui va récupérer des artistes Donc j'ai dû un peu partout. Croiser. Ah, il vient ici. J'ai dû la Oui. Ben écoute, Albin, merci. Un plaisir. Et j'attends cet album avec beaucoup de... La sortie est presque au même moment à Paris et chez nous aussi. J'espère, avec Internet, en tout cas, je pense, parce que tôt ou tard, mon label sait quel attachement j'ai à Québec. Oui, mais surtout que ça sort... Et quand il y a quand ils ont des artistes qui ont un peu de public au Québec, ils y vont, quoi. Ils en profitent. Ouais. Donc j'espère bien. Ce qui est marrant, c'est que je peux vous dire qu'on est en juillet, je suis en train de finir le mixage de ce disque que vous allez découvrir là, mm-hmm. qui peut-être est déjà sorti, j'en sais rien. Oui. Et donc moi, je pense qu'il va s'appeler Un homme. Okay. Je pense qu'il y a 11 titres. Okay. Je ne sais pas comment sera la pochette. Okay. Mais vous avez déjà tout ça. Et oui. Ça, c'est vraiment rigolo. Oui, c'est de la magie. Hein. C'est vraiment une espèce de projection dans le temps bizarre. C'est un livre de Philip K. Dick. C'est Lynchien. Oui, c'est ça. C'est Lynchien. Et nous adorons David Lynch. C'est un film de Cronenberg. Voilà. Ah, ben oui, Cronenberg, ton idole. Voilà. Ton maître à penser. Je sais pas comment vous sachiez. Non. Okay. Mais par contre, il reflète sûrement la complexité de mon intérieur, sans le côté malsain, mais il reflète la complexité de l'humain, je trouve. Oui. Alors, écoute, lançons-nous. Nous jouons au Nostradamus. Voilà. Okay. Vous savez, moi, je ne sais pas. Oui. Alors, je finis toujours avec cette phrase-là, à la revoyure. À la revoyure. C'est une très belle, un très beau mot. À la revoyure. Ah, merci. Fauteuil pour nous deux, elle et moi dans un creux, comme l'orme et le lierre, enlacés comme hier, elle s'endort. Elle est sur moi blottie, le souffle ralenti. Les cheveux dans mon cou, nos larmes sur ma joue, elle s'endort. Plus de feu ni de glace, le temps courbe les griffes, et la douleur s'efface, la chaleur la remplace. Elle s'endort. Un fauteuil pour nous deux, elle et moi dans un creux, comme l'orme et le lierre, enlacés comme hier, elle s'endort.